Attention entre la limite, la propriété, la liberté et la vie privée. Le liqué a un porte-à-faux, je frappe, je porte, je gagne. Je suis signal de cigogne, j'informe. Je suis dans ma forme la plus basique, j'aime pas, je dose, je propose. Sur le code, je décrypte le signal CPL. Je décortique, petit nouveau, pas plus gros que beau. Pièce maîtresse du smart gain, je développe, j'enveloppe et je contrôle. Qui dit Jacques a dit, par prouesse, la souplesse de l'infrastructure qui dure. Ça, c'est sûr, ça dure. Je propose aux consommateurs la nouveauté. Qui va payer, qui va là, oh là, vapotage minimaliste. Tout est fruit, tout est joli, tout est beau et nouveau. Cette panoplie d'outils qui désinstalle, je juste à poste. J'aime fort, les lois petites et raisonnes, tu t'y opposes. C'est juste partie remise, le problème, il n'y en aura pas. Car pénalité de retard, on dit méfie. Je passe, je repasse, je me trépasse. Tour de passe-passe. Tout est beau, tout est joli. En finalité, l'extension aura joué de nous. Des petites écoles au contrat répondant au nom de taxes. Ajouté au contrat existant, qui va comprendre. Il n'y a plus de limite dans ces petites lignes. Être précis dans les mesures, contrôler ce que tu consommes et agir. Un agitateur, tu te balades, peut aller conduire. Ta conduite est à revoir. Et à présent, tu es dans les foyers, ça y est, on y est. Le courant porteur en ligne et chiffré sur fréquence que tu fréquentes. Je t'embrouille pas dans tes chiffres, juste je masque par ardoir mes traces. Attention, tu as enregistré mes registres sur mon utilisation. Mes honnêtes qui sonnent à la porte, rien de spécial, t'es qui toi. Je te fais d'avance les présentations, car tout va être mis en place prochainement. Des pistes et des chemins, tu continueras avec qui tu as affaire. Perso ou recto, verso dans les journaux, simple et pratique. Une pratique qui pourra se comparer au début de Google. J'en ai rien à faire, mais tes affaires m'intéressent. Car avec la prouesse, je te publicite. Oh, capitaliste, comme une base de données, je m'enrichis. Des données techniques, des données de consommation à utilisation. Qui t'empêchera de revendre ces statistiques d'utilisation d'un appareil ménager qui, comme un pic, recevra ce bazar. Ah oui, tu peux interagir avec mon communiste ou véhicule. Moi, je véhicule les informations. Plus de limites, je donne, va être redistribué. Tout est beau, tout est joli. En finalité, les stations aura joué de nous. Des petites étoiles, au contrat, répondront au nom de taxes. Ajouté au contrat existant, qui va comprendre. Il y a plus de limites dans ces petites lignes. Le Smart Green est le réseau primaire de la France. Qui fléchit, qui réfléchit, qui agit comme un réseau ferroviaire. J'achemine, je dirige et j'analyse. Tout est connecté en temps réel avec la fibre. J'alimente un point, je communique avec ce point. Tout est adressable à chaque point de connexion. Donc qui est avec qui fait quoi, avec qui, pour qui. Et quand tu vois quoi, tout est beau, tout est joli. En finalité, l'extension aura joué de nous. Des petites étoiles au contrat répondant au nom de taxes. Ajouté au contrat existant, qui va comprendre. Il n'y a plus de limite dans ces petites lignes.